Rencontre avec Céline Colassin, là tout de suite dans ce micro ouvert. Et pourquoi on se rencontre ? Eh bien, parce que Céline Colassin posait son article. Hein. Donc, elle n'a pas repris un article d'ailleurs de quelqu'un d'autre. Non, elle a écrit, elle, des mots sur les antivax. Voilà, et c'était un message assez rentre-dedans. Et je lui ai proposé, en fait, de lui donner la parole dans ce micro ouvert. Elle a accepté. Déjà ça, c'est génial de pouvoir se rencontrer. On n'a vraiment pas la même vision des choses et on discute doucement pour vraiment comprendre, essayer de comprendre ce que veut dire l'autre. En tout cas, moi, c'est ma démarche. En essayant d'être le plus honnête possible. Voilà ce que ça donne dans ce micro ouvert. On va écouter. Dire aussi que je ne suis pas journaliste d'investigation, qui ai fait plein d'enquêtes, qui fait de la recherche, qui passe son temps à ça. Non, pas du tout. Le micro ouvert, c'est vraiment donner la parole aux gens. Et alors, j'essaye de le donner pas systématiquement dans un entre-soi. C'est-à-dire que des fois, j'aime bien aller discuter avec des gens qui pensent pas comme moi, quoi, pour voir comment ça pense. Pour voir comment ça pense. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir quelle est la dynamique. Mais avant, on écoute une dame qui s'appelle Karine Dubernay, et qui parle du vaccin Covid-19 pour ou contre, et ça date du 4 décembre 2020. Donc c'est plutôt récent, mais ça colle quand même. Ouais, moi je suis pour, ouais, moi je vais le faire. Mais je vais pas faire l'américain ou le russe, non, moi je vais faire l'autre, là, le jamaïcain ou le hollandais. Il paraît qu'ils sont plus doux. Bien sûr que je vais le faire. En plus, il paraît que ça fait beaucoup moins mal que l'eau de Javel. La dernière fois, j'ai fucking dégusté. C'est quoi, moi, je le fais, le vaccin, je le fais. Je me fais même la piqûre moi-même. Je me la fais là, la piqûre. Enfin, j'ai tout fait, tous mes rappels, je les ai tous fait. Je fais la DT polio, la rougeole, le vaccin antirabique, j'ai même fait un vermifuge. Je fais, tu vois, je le fais, le vaccin. Je les fais tous, le premier, le deuxième, le troisième, tous. D'accord, je les fais. Mais je peux rouvrir ma brasserie ou pas? Oh, allez! T'es ouf, toi, d'où je vais me faire vacciner? Le cutru, il a été fait en 6 mois. J'ai un bout de fromage qui est plus vieux que ton vaccin dans mon frigidaire. Non mais surtout pas le vaccin, chut, tu vas pas quoi? Surtout pas, vous avez pas compris tout ça, c'est pour imposer un nouvel ordre mondial, putain, chut. Vous avez pas compris? Big Pharma, Pharma, Pharmacopée, Copé, Jean-François, Copé. Les initiales de Jean-François Copé, c'est JFC, comme KFC, KFC Fast Food, Big Mac, Mac Macintosh, Macintosh Bill Gates, Guetapan, Pandémie, putain, mais... Chut. Chut. Oui, je suis pour, il paraît que le vaccin peut te refiler Alzheimer, si ça peut me permettre d'oublier cette période de merde. Oh là là. Alors, évidemment que je vais me faire vacciner, je suis médecin, docteur va chier. Alors, faut savoir que comme pour tous les vaccins, il y a évidemment des effets secondaires. Hein. Moi, ce que je fais, c'est qu'en cas de nausée, je prescris une ampoule de Gerbulox 1000, voilà, pendant 10 jours. En cas de diarrhée, un Serfion, 2 comprimés pendant une semaine, et ça, ça marche. Et en cas de décès, ben, vous appelez mon beau-frère, il travaille dans les pompes funèbres. Voilà, je vous mets son numéro. Allez, on y va, hein ? Allez, courage ! Ouais, moi, je vais le faire, le vaccin, parce que tu peux l'attraper 2 fois, le Covid-19. Du coup, ça fait un Covid-38. C'est hyper dangereux. Me faire vacciner, ça, jamais. Ah, non. J'ai survécu à la grippe espagnole, à la grippe aviaire, à 8 canicules, 2 septennats de Chirac, tout ça, avec une seule et même boîte d'aspirine depuis 1922. D'ailleurs, il est temps que je la jette, elle doit être périmée. En revanche, si le vaccin est sous forme de suppositoire, je dis pas non, le nouveau médecin a un physique de pompier Pirelli. Ah tiens, ça me fait penser, ça fait longtemps que j'ai pas fait le 18 pour un petit bouche à bouche. Ah, il est où mon portable? Marcel! Ah non, je suis bête, il est mort. Mon portable? Non, Marcel, je ne sais plus. Qui suis-je? Ah! Hein? Non, il y a longtemps que j'ai arrêté les vaccins. Le tétanos, par exemple, c'est complètement con, tout est en plastique maintenant, même les couverts. Oui, mesdames et messieurs, je vais me faire vacciner. Tout le monde doit se faire vacciner. Ceux qui veulent pas se faire vacciner, il faut qu'ils sortent de nos hôpitaux. Hein? Parce que moi, je l'ai vu, la réalité de nos hôpitaux. Et les gens malades dans nos hôpitaux, c'est ça la réalité de nos hôpitaux! Da, moi vivre à Moscou, moi déjà faire vaccin Spoutnik depuis longtemps. Moi pleine forme, Covid kaput. Et moi maintenant connecté en Bluetooth avec tout appareil électronique. Ah, ça va être voiture. Ouais, je vais le faire, parce que pour moi la santé c'est primordial, hein, mais je suis pas prioritaire malheureusement. Maintenant je suis une femme, je suis sportive, je suis jeune, j'ai un IMC à 20. Non, faut d'abord vacciner ceux qui en ont vraiment besoin. Hein, le Sénat par exemple. Ah, il n'y a pas à être pour ou contre. Le vaccin sera diffusé dans l'air, comme le gaz moutarde. C'est ce que m'a dit mon oncle, Didier. Avez-vous votre adhésion? alors blablabli, blablabla aussi. Ouais, c'est bien, t'es là. Hein. Je suis là. Voilà, allez, on démarre ce micro ouvert. Je dis mademoiselle, est-ce que je dis ton prénom ? Gradiella, d'accord. Ben voilà, enfin, oui, moi, je m'appelle Gradiella. En face de moi, c'est Céline Colassin. Exactement, elle-même en personne. Ben voilà, merci Céline de me recevoir chez toi. On n'est pas loin de Huy. On n'est pas loin de Huy, on est à 15 km, dans un petit village. Voilà. Et moi, je réagis. Et on est là avec un petit thé, et ta maman a acheté une petite pâtisserie et oui. Tout ça. Si c'est pas classe, quoi, c'est super agréable. Merci déjà pour ça, c'est chouette. Quoi. Merci à toi aussi de t'intéresser à mes modestes écrits facebookiens. Voilà. Attends, avant de dire merci. Ah, peut-être que les pâtisseries vont nous finir sur la figure, on ne sait pas. Ben oui, parce que c'est un peu dans l'air du temps, hein, en tout cas via le réseau, de se rentrer dans l'art. Et j'explique aux gens qui nous écoutent pourquoi j'ai envie de te rencontrer, Céline. C'est parce que tu as écrit un petit texte sur le net, sur le réseau, et ça dit « Cher antivax, pour vous, c'est quelques mots épicés ». Alors, je le relis maintenant. Vas-y. Comme ça te remet dedans aussi, parce que je pouvais le lire. Tu dis ? Je dis, ça me remet dedans, comme tu dis, et puis comme ça, on sait de quoi on parle. Tout le monde sait de quoi on parle. Ah oui, mais c'était soit je le lis après, chez moi, ou bien maintenant, en fait. Donc, j'ai l'impression que mes mots, au lieu de tomber dans le... Tu vois, c'est ça, je dois mettre des lunettes maintenant, c'est ça le problème. Au lieu de tomber dans le filet de votre entendement, s'en vont percuter votre cerveau et s'y évaporent faute d'avoir pu s'y connecter avec quoi que ce soit. Point. Vous me tapez sur le système, cher antivax. Je ne veux plus vous lire, plus vous voir, plus vous entendre, plus vous répondre. Je ne veux plus entendre vos délires pendant au moins 50 ans. Aux abords de l'année 2072, qui sait si je ne serais pas impatiente de relire ces vieux délires obscurantistes. J'ai lutté contre ma propre superficialité, mon manque de profondeur pour être devant vous, sans espoir irréaliste, sans cargaison de préjugés, sans attente et sans arrogance. Je ne tenais pas à faire... Je dois ouvrir le... Sans attente et sans arrogance. Je ne tenais pas à faire le tank. Alors j'ai posé mon canon, mes mitrailleuses et mon blindage. J'arrivais dans le débat, sereine et sans menace, un peu comme on marche pieds nus dans l'herbe au lieu d'écraser la pelouse, sous mes chenilles. L'esprit ouvert, pour un abordage d'égal à égal. Avec tout ça, je me suis trompée, à tous les coups, comme si au fond, je n'avais pas plus de cervelle qu'un tank. Je n'imaginais pas, je ne comprenais pas, je ne croyais pas que vous vouliez qu'il y ait des morts, que vous vouliez que les vaccins ne marchent pas, pour avoir raison. Raison au prix de la souffrance, entre parenthèses, des autres, et de la mort, entre parenthèses, des mêmes. Avoir raison sur Facebook, félicitations, c'est beau d'avoir un but dans la vie. C'est hyper trash, hein? Oui, c'est hyper trash. Mais le débat était hyper trash. Et ce qui est d'autant plus, ce qui m'interpellait d'autant plus, c'est qu'en fait, c'est un faux débat. Parce que le problème n'est pas d'être vax, anti-vax. Le problème n'est pas de savoir si le vaccin marche, si le vaccin ne marche pas, si c'est un placebo, si c'est Big Pharma qui s'en met plein les poches, si ce sont des complots gouvernementaux. On s'en fout. Complètement. Mais pourquoi tu dis qu'on s'en fout ? Mais non, on s'en fout pas. C'est quand même une question super importante. Mais non. Explique-moi le contexte de pourquoi tu as écrit ça. En gros, mais on va pas rentrer dans les détails de machin, dit ça, amas ça. C'est juste que il y a des conflits sur le net avec ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne le sont pas. Le sujet n'est pas juste. Parce que pour être anti-vax, pour se poser ces questions-là, il faut d'abord avoir évacué une première chose qui est la Covid-19, qui est la pandémie, qui est les morts de la maladie. Pour être anti-vax, pour dire blablabla, pour entrer dans ce conflit-là, il faut avoir mis ça sous le paillasson. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux être anti-vax et dire « moi, je le fais pas, moi, j'ai pas peur, nanana ». Parce que, entendons-nous bien, que les gens se vaccinent ou pas, c'est pas mon problème, c'est pas mes oignons. Ce qui me choque, c'est la campagne, la propagande, pour que les autres ne le fassent pas. Pour que les autres... Oui. Alors là, je perds le fil. C'est quels autres tu parles ? En fait, quand tu es sur Facebook ou sur un réseau social ou n'importe où ailleurs et que tu dis « ne vous faites pas vacciner, moi je connais des gens qui sont morts du vaccin, des gens que... » Enfin voilà, tous les arguments possibles et imaginables, c'est une campagne. Ce n'est plus soi-même avec sa propre opinion sur le vaccin. C'est vouloir rallier les autres à sa propre opinion. Ce qui marche tout aussi bien pour les pro-vax. Oui, mais t'es d'accord. Après, là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'avais envie de faire une petite présentation, mais on va le faire. Mais avant, je réagis à ce que tu viens de dire. Mais t'es d'accord que quand même, la majorité des médias, il y a pas une place pour c'est vaccinez-vous. C'est les médias dominants. Il y a même des vaccibus. Il y a même, enfin, tout est te sollicite à te vacciner. Donc, j'imagine que la voix qu'on entend sur le réseau social, Elle est déjà, comment dire, mineure, quoi. C'est pas une masse, tu vois ce que je veux dire. C'est pas la masse des médias, quoi. T'es d'accord que le gouvernement met tout en place pour dire aux gens, vaccinez-vous. Oui, mais je pense aussi que dans la conjoncture, c'est un peu son... Il y a un autre problème aussi. Donc, je pense que dans la conjoncture, ben, c'est son boulot. Parce qu'il y a une maladie infectieuse, il y a des hôpitaux débordés, il y a des personnes à l'hôpital en burn-out, il y a des décès, il y a des familles qui sont frappées par des décès, il y a des gens qui gardent des séquelles. On va en parler, mais surtout c'était moi de dire, ok, les pro-vax ne font pas campagne, il n'y a pas de gros médias qui relayent, si tu t'intéresses, tu dois aller chercher l'information. Elle t'est pas diffusée via les grands canaux qu'on a l'habitude d'entendre. Je parle des médias dominants, mainstream, comme on appelle. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est déjà... J'espère que tu es d'accord avec moi. Je veux dire, ça, c'est déjà une carte à mettre sur la table. En effet, les médias, en général, poussent à la vaccination. Et si tu veux t'informer... de faire le contraire, bah tu dois aller chercher l'information, elle ne viendra pas à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Encore faut-il trouver la bonne, et encore faut-il à la limite qu'elle existe. Ben oui, elle existe, puisqu'on peut la trouver sur le réseau, on peut la trouver... C'est de ça qu'on discute, de l'information. Oui, oui, oui. Parce que toi, tu prends la voie, toi, tu es vacciné. Moi, je suis vacciné. Deux fois, bientôt, la troisième. La troisième est faite. Félicitations. Et quoi, bientôt la quatrième, la cinquième, la sixième ? Peu importe, ça ne me choque pas. En plus, je suis courageuse parce que j'ai un système immunitaire en bon état et donc je fais des réactions à chaque injection de vaccin. Je suis au lit pour 3 jours. Donc ça me fait 9 jours de couchage, hein, pas plus mal. Et voilà, mais je me dis, bon, moi j'ai un désagrément, donc j'ai un mari vacciné, mais qui lui, il s'en fout. Enfin, il s'en fout, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Et donc, quand je suis allée faire ma troisième dose, lui, il l'a pas encore, il l'aura la semaine prochaine, ça le fait super marrer. Pourquoi ? Ah ben parce que je vais revenir vert pâle, blablabla, je vais me coucher, on va plus m'entendre. Donc voilà, ça lui fait des vacances. Et j'ai perdu le fil de ce que je disais, du coup, moi aussi. Et voilà, mais ce que je voulais dire avec l'information, c'est que tout ce qui est publié, tout ce qui est écrit, tout ce qui est dit n'est pas forcément de l'information. Si on se montre critique à l'égard des médias mainstream, il faut aussi se montrer critique à l'égard des médias parallèles. Je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je suis ici, c'est parce que ça m'intéresse d'entendre justement ces critiques, mais évidemment, c'est là qu'on va essayer de se comprendre, tu vois, parce que... Tu dis ? Je dis essayer de se comprendre sans croiser le fer. Bah oui. Mais tu peux un petit peu te présenter, toi, en fait, t'es qui, toi, Céline ? Voilà. Alors, moi, c'est un sujet dont je ne parle jamais, je déteste parler de moi, voilà. Alors, je suis fille unique, gauchère et dyslexique, d'un papa chercheur en chimie pharmaceutique, et d'une maman qui travaillait dans la mode. Et... en tant que dyslexique, la chimie, les mathématiques et tout, ce n'est tout à fait pas possible. Donc, j'ai fait la fin de mes études à Paris et j'ai rencontré, notamment, pour tous les comédiens le connaissent, mais il n'est pas connu du grand public, un monsieur qui s'appelait Claude Wolff, qui était le directeur du fichier du spectacle. Et le directeur de quoi le directeur du fichier du spectacle. Du fichier du spectacle. Ouais. Ah ben, alors, c'est, donc, Claude était un jeune comédien qui a eu un accident très grave qui l'a empêché de continuer sa carrière. Donc, il a dû se recycler, le mot à la mode. Et, comme il ne savait pas trop quoi faire, il s'est souvenu qu'entre le moment où il était sorti du conservatoire et le moment où il était assez connu pour avoir des rôles et un agent et qu'on s'occupe de sa carrière, il y avait un vide intersidéral. Et donc, lui avait créé ce fichier qui a vécu plus de 60 ans. Il avait créé une passerelle entre le moment où les comédiens sortaient des écoles et le moment où ils devenaient assez crédibles pour être engagés. Et donc, sont sortis du fichier du spectacle des gens comme Isabelle Adjani, comme Sophie Marceau, comme tout le cinéma français des années 80, 90 et 2000. Pourquoi on parle de ça, en fait ? Parce qu'on me demandait qui j'étais. Et moi, de ma rencontre de Claude, je suis devenue directrice de casting et j'ai travaillé uniquement, toute ma vie, en production télé, donc aussi bien en casting qu'en écriture. Oui, voilà. Et maintenant, l'âge venant, j'aborde la production, en fait, comme tous les gens de ce métier-là, qui, au bout d'un certain temps, entrent en production. Donc, voilà. Bah donc, tu es dans l'artistique, du coup ? Je suis, oui, dans l'artistique et dans l'humain. Puisque le métier de casting, ce n'est pas se dire « Oh, on va faire la Dame aux Camélias, quelle actrice ressemble à la Dame aux Camélias ?» C'est un élément, mais c'est aussi savoir si ça va fonctionner avec le réalisateur, si ça correspond à ses attentes, et si pour l'artiste, ça correspond aussi à son plan de carrière. Est-ce que c'est le bon moment de faire ça ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Comment ça va fonctionner ? Donc, c'est vraiment un tout. Et pour être un bon directeur de casting, j'espère que j'en suis une, enfin que j'en ai été une en tout cas, il faut tenir compte de tous ces éléments et que l'expérience à la fin ait été productive, pour tout le monde. Ce n'est pas dire « Ah, il y a un rôle, je vais proposer une telle, ça va marcher », non. Okay. Mais du coup, tu as une maman, moi ça m'a fait tilt, hein. Attention, hein. Tu as dit que tu avais une maman dans la mode, oui. Et un papa dans la recherche chimie. Il était chercheur opérateur en chimie pharmaceutique. C'est énorme, ça, déjà, non ? Oui. Donc, t'as un papa scientifique, en fait ? Oui. C'est une horreur. Pourquoi une horreur ? Oh, parce que il travaillait avec des... Donc, je ne connais pas sa carrière professionnelle, donc je ne sais pas s'il a un jour travaillé de près ou de loin avec des histoires de vaccins. Mais bon, c'est... Parfois, même la peau gardait des odeurs pharmaceutiques fortes. Toute la maison avait une odeur pharmaceutique. Parfois, il avait la tête complètement à l'envers parce qu'il réfléchissait à un truc et il n'y avait que ça. Donc, il était présent-absent. Voilà, tout ce genre de choses. Moi, j'ai gardé un assez mauvais souvenir de ce domaine-là. J'allais poser la question, tu t'entendais bien avec ton père, tu aimais ton père, t'étais bien en relation avec lui ? Oui, j'étais bien en relation, mais c'était beaucoup plus difficile qu'avec ma mère. Parce que ma mère était quelqu'un, elle faisait son boulot, si elle finissait à 19h, à 19h30, c'était ma maman. Mon père, c'était 24 heures sur 24. Voilà. Ok. Eh bien, 84 qu'il était dans son boulot, que pas qu'il était mon papa. Oui, je crois qu'on a compris. Hein, mais... Et du coup, on revient, donc on a une petite présentation de toi aussi, un peu pour comprendre qui tu es, au fond. Et donc, on reprend cette lettre aux anti-vax. Ouais. Moi, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi anti-vax pour toi ? Alors, pour moi, anti-vax, c'est quelqu'un qui mène campagne contre le vaccin. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui va aller mettre une bombe dans un laboratoire. C'est quelqu'un qui va inciter les autres à ne pas se faire vacciner. Quels autres ? Les autres. Qui ne sont pas forcément anti-vax. Qui ne sont... Ah ben oui, parce que s'ils sont déjà anti-vax, il n'y a plus besoin de les convaincre. Mais oui, les gens qui se disent « je vais me faire vacciner », qui se disent « oh là là, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de ceci », et donc ils vont taper sur le clou en disant « ne le fais pas, ne le fais pas ». Et malheureusement, faute d'arguments construits, ce qui m'a exaspérée, c'est une espèce d'automatisation du mensonge. En disant, alors je donne un exemple sans citer de personne, mais une dame qui me dit « ha ha ha, je suis bien contente, parce que ma fille de 13 ans, donc qui n'avait pas accès à la vaccination à ce moment-là, a fait une activité avec un groupe de 40 enfants. Et quand ils sont revenus de l'activité, après un week-end, 39 enfants étaient contaminés par la Covid-19. Tout le monde, sauf ma fille, et ma fille était la seule qui n'était pas vaccinée. Ça fait peur si on croit ce genre de choses. Si on croit ce genre de choses, on ne se fait pas vacciner. Oui, mais toi, t'as entendu ça? Quelqu'un t'a raconté ça? Elle a écrit. Elle a écrit ça, ouais. Sur le réseau? Ouais. Et t'as essayé de savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai? Les enfants n'étaient pas encore vaccinés à ce moment-là. Oui, bah donc il n'y a même pas besoin de discuter, ça tient pas debout. Il n'y a pas besoin de discuter, voilà. Oui, donc il y a cette idée que... Donc t'es d'accord, on différencie bien les anti-vax de monsieur et madame tout le monde qui se pose des questions par rapport à ces vaccins. Parce que ce qui se passe maintenant et qui fait reposer des questions et remet une certaine dynamique sur les réseaux, mais aussi avec les gens en vrai, c'est que les vaccins, on se rend compte que même si t'as 3 vaccins, tu es contaminant. C'est normal. Tu peux être contaminé. Alors, tu ne peux plus être contaminé, paraît-il. Hein, avec la troisième En principe, c'est normalement, déjà avec la première, tu ne pouvais plus au moins développer de formes graves. Oui, mais on s'est rendu compte, c'est pour ça qu'on a la troisième. Oui, c'est ça. Mais du coup, ça refait jouer... Il y a une expression comme ça. Tu dis ? Ça génère un nouveau questionnement ? Oui, voilà, ça remet des nouvelles perspectives sur la table, puisque... Je connais pas mal de gens qui se sont fait 2 vaccins et disent « Ouais, bon, c'est bon, là, moi, la troisième... » Tu vois, ça marche pas comme prévu, quoi. T'es d'accord avec ça ? Il y a quelque chose, hein ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas comme prévu. La première, c'est que y a des nouveaux vaccins, il y a des nouveaux variants. Des variants qui sont plus contaminants. Et donc, le vaccin qui fonctionnait très bien avec le Delta, c'était ça le nom du variant ? Le premier ? Oui, il y a eu le premier, puis il y a eu le Delta. Donc là, on en était à 2 vaccins. Maintenant, il y a le fameux Omicron, je ne sais même pas comment il s'appelle. Voilà, qui est plus virulent. Et donc, c'est un peu comme chaque année, on faisait le vaccin de la grippe, mais il y a certaines années où le vaccin n'était pas assez fort contre sa grippe. Et que donc, il y avait quand même des épidémies de grippe. Voilà. Vaccinés, pas vaccinés. Voilà. Donc, dans la mesure du possible, si on se rend compte que la maladie est plus infectieuse, plus contagieuse, et qu'une troisième dose de vaccin peut de nouveau faire remonter l'immunité des personnes, c'est logique qu'il y en ait une troisième. Il pourra très bien en avoir une quatrième, une cinquième. J'adore comme tu prends ça. Très... Ça te perturbe pas, toi, qu'on t'injecte un produit comme ça Non. Non, je trouve qu'à partir du moment où tu es allé dans une grande surface acheter une soupe en boîte ou une pâte à tartiner, tu ne dois plus avoir peur de ce qu'on t'injecte. Tu veux dire, à partir du moment où on bouffe de la merde, peut continuer à injecter des choses qu'on ne maîtrise pas complètement. On ne maîtrise rien dans ce qu'on avale. On parlait tout à l'heure des capsules de café, voilà, c'était un exemple. Et en fait, moi, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas si ça vient de mon héritage paternel, parce que tout le temps où j'étais dépendante de mes parents, donc où j'étais à l'école, il n'y a pas eu de pandémie, d'épidémie. Par contre, il y a des vaccins qui sont arrivés pour des maladies enfantines que moi, je m'étais coltinée. Pas de chance. Alors moi, je me suis coltinée la rougeole. Très très très très très fort, au point où on a cru que ça allait mal se finir, et j'ai enquillé avec la varicelle, un truc dont on n'entend absolument plus parler aujourd'hui. Et peu après, il y a eu les vaccins. Donc maintenant, pendant des années, des décennies, les enfants n'ont plus eu la rougeole. Maintenant, il y a une recrudescence, la maladie réapparaît parce qu'il y a des gens qui sont anti-vax pour tous les vaccins, donc qui ne concernent pas seulement le problème des vaccins contre la Covid, qui concernent les vaccins en règle générale. Et là, c'est remettre... on vaccine depuis le 18e siècle, donc là, c'est remettre quand même deux siècles, un peu plus de 2 siècles, d'acquis. Sur la table. Ouais, mais là, moi, je connais pas assez le sujet des vaccins pour pouvoir en discuter. Mais pour moi, c'est cohérent. Les gens qu'on dit anti-vax, Ben oui, j'imagine qu'ils sont anti-vax, pas simplement pour le Covid, mais pour d'autres vaccins. Il y a beaucoup de personnes qui disent, en tout cas sur les réseaux, moi je ne suis pas anti-vax parce que la preuve, j'ai été vaccinée contre la poliomyélite, mais ça, on te vaccine quand tu étais petit, on ne te demandait pas ton avis, donc ce n'est pas un argument. Mais par contre, ce vaccin-là, je ne le veux pas. Pour telle et telle et telle raison, valable ou pas valable, ça, ce n'est Mais pas. t'en retiens au moins une de valable? Pour telle ou telle raison, ils disent quoi qui... Tu te fermes pas complètement, t'entends quand même ce qu'ils disent? Oui. Non, t'as rien retenu Si, d'intéressant. si, si, si, mais vraiment, je n'ai pas eu d'argument qui m'a fait, moi, me mettre en doute, qui m'a fait dire, ah tiens, ça c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Ah oui, non, non, non, je ne vais pas faire ce vaccin parce qu'effectivement, ce monsieur, cette dame, cette personne a raison, je n'avais pas pensé à ça. Je n'ai pas eu cet argument-là. Mais tu as dit tout de suite là que en fait toi tu étais partante pour une quatrième, cinquième, sixième dose et qu'au fond ça t'intéresse. C'est moi qui l'ai dit, mais tu as été d'accord avec cette idée Je qu'en dis autre fait chose. on mange déjà des choses dégueulasses, donc autant. Mais est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui se soucient de ce qu'ils mangent? Ils n'ont pas envie de. Et même pour leurs enfants, Mais ceux-là ils sont dans. sont anti-vax. Tu dis? Mais ceux-là sont-ils anti-vax? Mais ceux-là sont-ils anti-vax? C'est une question. Ouais. Mais qu'importe. Qu'importe. Même pour les anti-vax, puisque là, on se positionne en face de toi. Toi, tu es vacciné. Il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas être vaccinés. Et puis, il y a les anti-vax qui, eux, sont contre la vaccination. D'ailleurs, ce Sont serait bien de contre la vaccination. rencontrer un anti-vax pour qu'il explique un peu sa démarche et comment il voit les choses. Parce que ce serait pas inintéressant, tu vois. Mais donc, ce qui différencie ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, ici, là, maintenant, avec toi, c'est que eux, peut-être, cherchent à être en équilibre avec leur corps, avec ce qu'ils mangent. Et Ils n'ont donc, pas envie qu'on leur inje... Tu dis? on en revient à mon parti pris de départ. Il faut à ce moment-là avoir considéré comme fait acquis que tu n'auras pas la maladie. Sinon, ça ne tient pas debout. Non. Attends, on s'écoute, hein. Oui, il faut se dire qu'on n'aura pas la maladie, mais ce qui est important, c'est qu'on ne la refile pas à quelqu'un d'autre. Parce que faire la maladie, je veux dire, moi je l'ai fait, mes enfants l'ont fait, ils ne sont pas vaccinés, je veux dire, voilà, c'est une grosse grippe, tu te retapes, il n'y a pas de problème avec ça, tu vois, l'immunité naturelle, elle est là, tu vois ce que je veux dire? Alors, toi, tu t'es retapé. Tes enfants se sont retapés. Pour toi, c'était une grippe. Mais alors, je me permets, hein, ça avait bien marché sur Facebook, donc je me remets de le refaire. Il y avait beaucoup de gens qui disent, oui, c'est rien, c'est une petite grippe, patati, patata. Je suis d'accord avec ça, mais est-ce que tu connais une jeune fille, alors je reprends mon avis parce que je suis dyslexique, qui s'appelait Lorina Kambourova. Alors, cette jeune fille était née en Bulgarie. Elle est devenue une star immense en Russie. Elle, Quand? l'année dernière, 2020, enfin, elle était star depuis un peu plus longtemps. Elle a signé un contrat avec Disney. Toutes les chansons de princesse de Disney en russe, c'est elle. Elle fait du cinéma, elle avait son groupe de musique. Elle était super belle, en pleine santé, en pleine forme. Elle a fait la Covid. Elle a été soignée en Russie, puisque elle a attrapé ça en Russie. Elle a guéri de la Covid. Sauf que la Covid peut avoir comme effet secondaire de créer des caillots sanguins. Et quand elle était guérie, elle avait les poumons complètement déchiquetés, plein de cicatrices, et en fait, elle ne pouvait survivre qu'avec une double greffe des poumons. Elle avait 26 ans. Oui, mais on ne va pas rentrer dans les cas exceptionnels C'est pas ou... Tu vois, parce exceptionnel. que sinon, on va rentrer chaque fois et on va C'est prendre pas... plein de temps à décrire des Oui. cas. Mais normalement, on dit que... Je suis d'accord avec toi. Hein. Ok, moi ça a été, j'ai attrapé une grosse grippe, mais bon voilà, je parle de moi parce que au moins c'est du concret, c'est moi, je parle pas de quelqu'un d'autre, mes enfants aussi. Mais je suis d'accord que dans cette masse de gens dont je fais partie, il y a des gens qui sont fragiles. Oui. Non, elle n'était pas fragile. Parce qu'on dit, on dit ça, on dit que la COVID ne fait pas de mal aux gens en bonne santé, mais par contre. Si t'es une vieille personne de 80 et des balais, tu vois, je dis cette zone-là, mais que Voilà, c'est des gens qui sont d'office, les diabétiques, les gens en mauvaise santé, voilà, eux, voilà, c'est plus délicat, quoi. Et donc, eux, on leur propose, bah oui, vaccinez-vous, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est faux. C'est faux. Oh oui, oui, mais... Ici, on était... Donc, enfin, tout près de mon quartier, il y a un centre de revalidation. Et ici, on a été très interpellés directement par la première vague, parce qu'il y a une jeune fille dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Elia Fontaine, qui a fait à 14 ans la Covid, et qui maintenant est amputée d'une jambe. Et oui, mais t'es d'accord que c'est pas la... C'est pas, je veux dire, quand tu regardes les chiffres et tout ça, c'est pas la norme, ça, alors, quoi. Alors, ne soignons pas le cancer, c'est pas la norme. Alors, ne soignons pas les maladies cardiovasculaires et utilisons uniquement des crèmes de beauté, parce que vieillir, ça, c'est la norme. Mais non, les cancers, enfin, je veux dire... Ce qui se passe aussi, et qui n'est pas la même chose que le cancer, c'est que là, on oblige tous les gens à se faire vacciner. Le cancer, si tu as décidé de ne pas te faire soigner, et franchement, moi, je détesterais que si j'avais le cancer, qu'on me dise, mais non, tu dois guérir, tu dois faire des chimios, je détesterais, t'imagines ? Évidemment. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est de dire, toi, tu as envie de te faire vacciner, mais très bien, avec ta conception du monde, avec tes valeurs, avec ça, c'est une chose. Mais les autres qui n'ont pas envie qu'on leur foute la paix, tu vois, il y a ça aussi. Mais dans cette dynamique-là, on dit à l'un, t'es responsable des autres qui sont... Enfin, t'imagines le délire, t'es responsable si tu te vaccines pas de... Eh ben, alors ça, moi, par contre, je marche pas au truc. Je suis pas d'accord avec ça. Mais tu dois argumenter. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je ne suis pas d'accord ». Non, mais tu vois, comme je suis dans une position, on va dire, pro-vaccin, mais là, dire aux gens « tu ne te vaccines pas, d'accord, les autres morts, c'est de ta faute ». C'est une culpabilisation que je ne trouve pas acceptable. Ah, ça c'est bien. Tu vois, c'est pas acceptable. Ok, ok. Donc je... Qu'est-ce que tu... on est d'accord là ou quoi ? Oui, on est d'accord. Cette culpabilité, il n'y en a pas besoin. Ben, ce n'est pas acceptable de dire ça aux gens. Tu vois, ton libre arbitre, c'est de te faire vacciner ou pas. J'estime que ça doit être respecté, mais qu'à partir de ce moment-là, tu respectes le libre arbitre de tout le monde de ne pas te faire vacciner ou pas. Et dans cette conjoncture-là, où chacun fait ce qui lui plaît, comme chantait machin, là, chagrin d'amour, tu te fais vacciner, c'est bien, tu te fais pas vacciner, c'est ton problème, voilà, tant pis, c'est bien, voilà. Mais... tu n'as pas à taper sur la tête des gens en leur disant « fais-toi vacciner » et tu n'as pas à taper sur la tête des gens en leur disant « ne te fais pas vacciner ». Parce que là, c'est outrepasser son droit et en plus inventer des arguments à la noix pour taper un peu plus fort. Là, je trouve qu'on avorte un peu de nous-mêmes quand on agit comme ça. Parce qu'alors, on perd toute notion de respect vis-à-vis des autres, vie notion de respect vis-à-vis de soi-même. De balancer des gros baratins en étant certain qu'on va être cru, étant certain qu'on va être compris, ça se fait pas. Ouais. Ça se fait pas. Mais surtout, c'est propice à se battre. Hein. Exactement. Et moi, j'avais envie de rentrer un peu plus dans sauf si t'en... Enfin, on peut y revenir, hein, toi aussi, tu peux diriger le débat, enfin, la conversation, parce que c'est... Est-ce que t'as pas ce sentiment-là que... OK, il y a des tensions au niveau des vaccinés, des pas vaccinés, tu vois. Mais qu'au fond, c'est quelque chose de plus global qui se passe en ce moment. Je veux dire, parce qu'on peut le mettre sur la table. Covid safe ticket. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je ne suis ni pour ni contre. Moi, j'en ai un. Parce que bon, à partir du moment où tu es vacciné, tu le télécharges, on te le demande et tu le donnes. Donc, je ne vais pas mourir. J'espère. Mais c'est pas un problème tout simple. Alors, la première chose, c'est que... Mais est-ce qu'on peut déjà souligner le problème ? Oui. C'est quoi le problème ? Alors, le problème... En fait, ce qui fait que c'est un problème... Parce que le problème de base, c'est « Merde, il y a une maladie infectieuse qui se répand, certaines personnes en meurent. » Ça, c'est un fait. On est d'accord. Il y a une grosse grippe dégueulasse qui est différente peut-être des autres. Et encore, moi, je lâche ça. J'ai aucune preuve de ça. Mais oui, il y a une grosse grippe dégueulasse. Et les gens en mauvaise santé, les vieilles personnes, eh ben, elles sont... On sait que c'est faux. Parce que plus on a vacciné des personnes âgées, plus elles ont été immunisées, plus le virus qui ne s'est pas suicidé parce qu'il ne pouvait plus tuer de vieux, se renforce et contamine des personnes plus jeunes, comme tous les virus. Donc, à un moment donné, quand 100% des personnes âgées seront vaccinées, le virus, il attaquera 100% ou 99% de personnes dans la quarantaine. Mais non, on voit bien que on voit bien que ça marche pas les vaccins, puisqu'on est au troisième là. Oui, mais le virus évolue, donc les vaccins doivent évoluer. Oui, mais c'est une question de marcher ou de pas marcher. C'est tout ça est logique. Tu vois, on parlait tout à l'heure du cancer. Tu as un cancer, tu fais une chimio, tu fais des rayons. Je sais pas ce que tu fais parce que j'ai pas eu le cancer. Je touche du bois à ma table. Et si ça t'a pas marché, on passe à autre chose. Oui, mais c'est avec le consentement des gens là. Oui. Tu vois, ce qui va pas, c'est que là, on obligerait la Belgique entière, les régions là, parce que c'est pas la Belgique entière. À vacciner, enfin, c'est devenu un espèce de leitmotiv de dingue. Il n'y a plus que ça à la bouche. Et pendant ce temps, il y a plein de choses qui se discutent au niveau politique, mais tu sais, au niveau de la société de contrôle dans laquelle on est. Mais là est le problème, en fait. C'est ça que je voulais dire. Donc, il y a une maladie qu'on considère que tout le monde peut en mourir ou pas, c'est pas important. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui sont sur cette planète, en tout cas dans nos pays occidentaux, personne n'a vécu ce genre de truc. Moi, ma grand-mère a vécu la grippe espagnole, elle était née en 1907, donc elle est morte depuis bien longtemps, elle ne peut pas nous témoigner quoi que ce soit. Et mon autre grand-mère habitait, pour le gag, dans la même commune, dans la même région, mais à l'autre bout, et là, dans son quartier, personne n'est mort, et elle est persuadée que la grippe n'a pas existé, que c'est de la foutaise. Ma grand-mère a perdu 2 sœurs. Et là, on confie à des politiques qui ne sont déjà pas la fine fleur d'Égypte en règle générale, de communiquer avec nous à propos d'un sujet sur lequel ils n'ont strictement aucune compétence. Ça leur est jamais arrivé, ils ne sont pas formés à affronter ce genre de situation, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Écouter tous les sons de cloche et se dire finalement qu'est-ce qui m'intéresse de communiquer. Donc moi je ne pense pas qu'obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire soit une bonne solution. Je crois que c'est que les politiques ne s'en mêlent pas. Parce que ce n'est pas un problème politique, c'est un problème médical. En plus, il y en a qui s'expriment, je suis désolée de le dire, mais qui sont cons comme des brouettes, et qui racontent des trucs, n'importe quoi, qui changent d'avis, voilà, on va faire ceci, on va faire cela, ils débattent, ça dure 45 ans, on pense à faire ceci, mais alors les gens ne sont pas d'accord d'ici, mais non, on ne va pas le faire, c'est seulement à l'étude, c'est seulement un projet, et pendant ce temps-là, le virus, il vit sa petite vie, dans les laboratoires, on se casse la tête pour savoir comment est-ce qu'on va faire si ça devient plus grave, si ça se répand, comment est-ce qu'on va faire pour produire plus, parce qu'il y a des pays qui n'ont encore pu avoir des vaccins disponibles de vaccins que pour 2% de leur population et qui sont des millions et des millions et tout ça n'est pas propice et l'influence politique dans le débat ne permet pas d'avoir un débat serein entre citoyens. Je crois qu'on devrait avoir une information qui serait une information médicale, qui ne serait pas à visée politique et surtout pas électorale, et qui dirait, voilà, il y a tel virus qui circule, ce que vous risquez, c'est ça, le vaccin, c'est ça, et si vous le faites, il va se passer ça, si vous ne le faites pas, il peut se passer ça, voilà. À partir de la donne, à partir des faits, démerdez-vous. Faites vos choix. Et vivez votre vie. Bah oui, mais ça devrait être comme ça, tu vois. Mais c'est du martelage. C'est du martelage. Je veux dire, et en plus, si j'ai bien retenu les chiffres, c'est 80% de gens sont vaccinés en Belgique et 20% ne le sont pas, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment une infime proportion. Ouais. Et donc là, tu te dis, mais c'est quoi le délire, quoi ? Je vais aller plus loin en disant que, évidemment, je ne suis pas la reine, ni non plus la fine fleur d'Égypte, ni je n'ai pas un intellectuel extraordinaire, et je ne suis surtout pas scientifique, mais il me semble que la façon débile dont le débat, depuis maintenant près de 2 ans, dure en Belgique tous les jours avec les politiques qui changent d'avis, qui racontent n'importe quoi, qui vont faire ceci, qui ne vont pas faire cela, qui hésitent, nanana, qui vont dans le vent, où le vent les pousse, ou dans le sens de l'électorat, font que tous ces discours à la con, je suis désolée pour le mot, pour tes auditeurs, et tous ces discours à la con ont fait naître les campagnes anti-vax. Parce que je comprends, je trouve normal et sain que les gens se disent « Attends, là, on me raconte n'importe quoi. Attends, c'est de la connerie. Il faut que j'aille chercher mes informations ailleurs. Il faut que je réfléchisse autrement, parce que je ne crois pas un seul de ces clampins. Okay, c'est ça ta logique, en fait. Oui, c'est ça ta logique. Bah, c'est intéressant de l'entendre, du coup. Et ouais, qu'en fait, on est perdu, comme on voit bien que le pouvoir politique raconte n'importe quoi, il change d'avis, on ne sait pas bien. Du coup, pour toi, ce serait le discours... C'est les anti-vax qui gagnent, quoi, pour le moment. Avec tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je disais des trucs quand il va, je me dis les gens sont en train de devenir débiles. Parce que bon, on sait qu'il y a des choses qui plaisent beaucoup. Tu vois, Elvis n'est pas mort, les chambres à gaz n'ont pas existé, on n'a pas marché sur la Lune. Alors les vaccins, c'est Hillary Clinton, enfin, je ne sais pas. On s'en fout. Mais à un moment donné, ça vient de quelque part. Et je crois sincèrement que beaucoup de personnes qui sont anti-vax fortes et dures et qui militent contre la vaccination se sont faites complètement dépasser par tous les argumentaires débiles qu'on entend depuis 2 ans et qui ne sont même pas raccord entre eux. Parce que si tu veux un politique qui te dit « on va confiner, on va enfermer tout le monde, état de siège » parce que j'ai entendu parler de loi martiale à un moment donné en France, hein, c'est la loi martiale, si vous ne faites pas ce qu'on dit et tout, blablabla, et t'en as un autre qui dit « non, le variant, je me suis renfondé, il est moins grave. » Mais qui dit ça, là? Parce que les lois martiales, ça, c'est le gouvernement, j'imagine. Oui, c'est mais là, ça. Quand tu donnes l'exemple, c'est qui dit ça? Les politiques, en règle générale. Tu vois, tu en as tous les bords et tout. Mm. Tu as des politiques qui sont anti-vax ou qui minimisent les choses. T'as des politiques anti-vax? Oui. Ah bon? Oui. Là, tu m'apprends quoi que... Oui. Ah, bah, tu as en France, tu en as plusieurs, donc là, un peu Mélenchon et ces trucs-là, où c'est pas grave, hein, tu vois, où il faut laisser les gens libres, de ne pas faire, tu vois. Bah oui, puisque tu disais ça aussi, toi. Oui, oui, c'est ça. Il faut laisser les gens libres de savoir si... Non, mais dans le sens, faut pas parler de ça, tu vois, c'est un peu dédramatisé. Alors d'un côté, tu vois, on dramatise, on serre la vis, on crée des obligations, voilà. D'un autre côté, non... Pourquoi t'étais pas d'accord avec ça? J'ai l'impression que tu disais que t'étais non, d'accord ce avec... Non, c'est qu'il faut informer les gens d'une façon claire et précise... Pas par le biais des politiques qui ne peuvent pas venir faire leur petit beurre, leur petit discours, leur petite campagne, leur petit machin, leur petit côté de parti et tout ce qu'ils veulent. C'est, je m'en fous. Ils ne m'intéressent pas du tout. Et ce n'est pas de leur ressort. Tu vois ? Et nous, on a depuis 2 ans uniquement des discours politiques. Donc des discours de gens qui... Ce n'est pas de leur ressort. Alors qu'ils disent « on veut de la loi martiale, on enferme tout le monde, on ne sort plus de chez soi, sinon on tira vu, j'invente. » Ou qu'ils disent... Bah non, mais ça s'est fait, hein, puisqu'il y a eu le premier confinement. Voilà. Oui, mais enfin, ils n'ont pas dit qu'ils allaient tirer à vue sur les gens. Pas encore. Et d'autres qui viendraient te dire « on s'en fout, vis ta vie. » Voilà. C'est pas leur rayon. C'est pas leur rayon. Qui déposent un peu leur ego surdimensionné de politicien et qui laissent les gens compétents s'exprimer directement à la population. Clairement. Tu vois qu'il y a un consensus scientifique il faut oui. qui vulgarise. Il faut encore trouver une personne qui connaisse bien le sujet, qui soit pas... financé par le lobby de la pharmacie. Tu vois, c'est encore... C'est ça aussi qu'on raconte beaucoup, hein. C'est que tout c'est... T'imagines le business de tout ça aussi si on... Non, ça me choque pas. Ça te choque pas? Non, ça me choque pas. Parce que tu as... on ne va jamais, personne au monde ne va reprocher au directeur de Coca-Cola de gagner du pognon. Il empoisonne des enfants. Mais oui, mais c'est dingue comme tu prends un exemple. Mais il y a des gens, ils sont pas d'accord avec ça, tu vois. Comme il y a des gens qui sont pas d'accord avec le vaccin. Mais ça tombe, c'est peut-être les mêmes. On a référencié un nouveau type de diabète récemment, parce que c'est un diabète qui ne s'attaque qu'aux jeunes enfants, mais c'est un diabète incurable. Et le diabète vient de la jungle food, des sodas, des jus de fruits et ces machins-là. C'est très grave, mais personne ne va rien dire. Qui ne va rien dire? De qui tu parles? Qui, personne? Bah, personne. Quoi, au niveau de l'État, du gouvernement? Nulle part. Est-ce que tu vois des gens qui manifestent tous les week-ends pour qu'on enlève les sodas des magasins? Ben voilà, là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Mais non, tous les gens ne manifestent pas pour qu'on enlève les sodas. Mais les gens, tu sais, On est tous plus ou moins conditionnés à la grosse machine. Hein. Bien sûr. Et puis, il y a des gens qui ne boivent absolument pas de soda et qui éduquent ça, qui transmettent ça à leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils en boiront jamais. Mais il y a des gens, ils sont contre la bouffe rapide, dégueulasse et voilà, qui proposent autre chose. Non, mais je veux dire, moi, je continue. Tu ne peux pas reprocher aux gens... Non, là, tu fais un drôle d'écart entre, oui, mais quoi, ceux qui produisent le Coca-Cola et ceux qui produisent des vaccins. C'est business. Là, on parlait business. Tu vois, alors... Les vaccins, ça peut être aussi un business, oui, quoi. Mais c'est quand même étonnant qu'on ait perdu confiance. Bon, en la politique, ça, c'est normal. Moi, j'ai jamais eu confiance, voilà. Mais qu'on ait perdu confiance en la médecine, qu'on ait perdu confiance en la presse. Mais je crois que c'est normal qu'on ait perdu confiance en la médecine. Il y a tellement d'abus. C'est ça aussi. La presse, il y a tellement d'abus. Oui, mais j'ai pas dit que c'était pas normal. J'ai dit que c'était dommage d'en être arrivé là. Tu vois, mais alors Big Pharma, ça m'a toujours un peu paru nébuleux aussi comme concept, mais bon, à partir du moment, moi je vois les gens qui reprochent aux laboratoires de faire de l'argent. Mais les laboratoires, ils payent le personnel, ils payent leurs taxes à tout le monde, et surtout, ils financent la recherche. Et il faut savoir que la recherche est un financement à fond perdu. Non mais attends, là la recherche, je veux dire tout ça, la recherche simplifie l'idée, mais si tu peux prouver que demain on peut en faire un business, alors on va financer ta recherche, sinon on la finance pas, quoi, tu vois. Tout est pourri, tout est... Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour monsieur, madame, tout le monde de s'y retrouver dans tout ce bazar, tu vois. Voilà. Et oui, en effet, moi, ce qui me semblait aussi important, c'est peut-être serait bien que j'interviewe un antivax ou une antivax, parce que du coup, on pourrait mieux comprendre aussi, mais un vrai, quoi, qui puisse vraiment expliquer... parce que moi, je ne suis pas antivax. Ou alors, ouais, je pourrais le devenir si les arguments en face sont valables. Genre, ben ouais, moi, au fond, j'aurais plus besoin de me vacciner, en fait, pour les autres trucs que j'ai fait d'habitude. Voilà. Tu vois, parce que ça, c'est peut-être sensé, quoi, voilà. Et qu'aujourd'hui, oui, on nous apprend, si tu te renseignes, que ce vaccin, ben, il est dégueulasse, il n'est pas comme les autres. Voilà, et moi, je suis bien obligée de croire. En tout cas, de l'entendre. Voilà, de l'entendre. Parce que de toute façon, moi, je suis en bonne santé. Je n'ai pas spécialement envie d'aller m'injecter quelque chose que... Tu vois ? Mais donc, quand j'entends ce discours, ça me fait peur. Je dis, ah, mais... Voilà. Mais il y a ça. Et puis, il y a toute... Il y a ça pur et dur, on va dire. Hein. C'est ça le sujet. Et puis, tu vois, il y a toutes les lois. Tout ce qui est passé avec les jugements, le tribunal, il n'y a plus de parlement, les décisions sont prises comme ça. C'est pas normal, ça. Tu vois ? Je veux dire, tu peux avoir un conflit, voilà, les vaccinés, pas les vaccinés, très bien, mais du coup, il y a tout un état, un système qui est occupé à devenir de plus en plus autoritaire, à installer un Covid safety kit. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils pourront avoir droit à des choses et d'autres, niettes, quoi. Mais enfin, je veux dire, là, on rentre dans un drôle... Comment ça te parle, toi, cette vision-là? Tu vois c'est ce que je viens décrire, là. Alors, ça rejoint un peu ce que je pensais tout à l'heure, en disant que c'est la première fois que ça arrive. Et encore une fois, les personnes qui prennent cette décision-là ne sont pas compétentes en la matière. Aucune, dans aucun pays. Parce que personne n'a vécu ça. Et quand tu fais des études pour entrer en politique, comme Aléna en France, on ne te parle pas de pandémie. On ne te parle pas de virus. On ne te parle pas de vaccin. Point. Donc, ils sont... J'ai perdu le fil de juste avant quoi. Quand tu fais des études, c'est ça oui, que tu dis quand tu fais des études, quand tu fais des hautes études pour entrer en politique, comme si tu fais l'ENA en France et des choses comme ça, à ces gens-là, on ne leur parle pas de pandémie. On ne leur parle pas de vaccin. On ne leur parle pas de région. On ne leur parle de rien. On leur parle d'autre chose. Ils ne sont pas plus compétents qu'un charpentier ou qu'un chauffeur de taxi en la matière. Voilà. Mais bon, c'est à eux qu'on donne C'est eux qui les prennent, surtout. Ça. C'est eux qui prennent ce pouvoir-là, tu vois. Oui, c'est ça. En même temps, bon, il fallait que quelqu'un fasse quelque chose, donc c'est l'occasion de faire son métier, entre guillemets, parce que c'est bien pour un politique quand il se passe des choses, Tu vois, quand il y a un tremblement de terre, aller se montrer, serrer les mains, les inondations, aller un petit peu nettoyer la boue et tout ça. C'est bien tout ça. Et là, il y a un gros, gros, gros problème de santé publique. Et donc, tu as, en la matière, des incompétents complets qui sont sommés de prendre des décisions vis-à-vis de tout un peuple. Alors, tout un peuple plus que ça, parce que finalement, il faudra accorder nos violons dans tous les pays d'Europe et des choses comme ça. Et je suis désolée, ces personnes-là, ni elles, ni personne d'autre, n'a cette compétence requise et nécessaire. Personne ne l'a. Oui, mais c'est pour ça qu'ils font appel à des gens qui s'y connaissent, mais ils les choisissent. Enfin, tu vois, y a pour le moment en Belgique, il n'y a pas de réel débat, tout ça autour de la table avec des gens qui ne pensent pas de la même manière, tu vois. Non, c'est vrai. Ça fait plaisir de l'entendre. Pour qu'on puisse vraiment un peu comprendre dans quoi on joue, on donne la parole toujours aux mêmes. C'est ça, c'est ce que je dis depuis le début. Il faudrait qu'il y ait un consensus médical, je ne vais pas dire scientifique, mais médical, qui explique clairement aux gens le quoi, le comment, le pourquoi. Tout, que tout le monde comprenne, même le plus tordu de je ne sais pas de quel bled, voilà, même le plus grand scientifique, que tout le monde ait bien compris et qu'à partir de ce moment-là, tout le monde prenne ses responsabilités et que les politiques s'occupent de la politique. Est-ce que... pas de ce problème de santé publique, ce n'est pas de leur compétence ni de leur ressort. Non, parce que pour le moment, on entend un discours mainstream dominant sur les médias classiques qui est pro vaccination, et dans l'alternatif, t'entends vraiment des gens qui disent « Attention, non, ce vaccin est dégueulasse, il faut pas le faire, il y a plein d'effets secondaires, il y a même des morts. » Tu te dis « Mais c'est quoi ce délire, quoi ?» Comment faire la part des choses? Comment comprendre? Et bon, c'est pas des gens les plus débiles, hein. On nous dit aussi que cette pandémie n'est pas une pandémie, tu vois. On nous fait croire que c'est une pandémie, mais ça l'est pas. C'était un problème de gestion des hôpitaux depuis plein d'années. C'est... Mais moi, ça me parle, ça, évidemment, parce que... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Quoi qu'il y ait une grave épidémie... C'est pas parce que les hôpitaux sont mal gérés qu'il va pas y avoir une épidémie. Non, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui sont dans le concret sur le terrain qui disent clairement, les pompiers qui travaillent en ligne directe, les infirmiers... Pas tout le monde, évidemment, parce que tout le monde a peur pour sa place, tu vois. Mais il y a des gens qui commencent à dire tout. En effet, il n'y a pas d'épidémie. On ne voit pas... voilà. Après, est-ce que c'est ces personnes-là, dans ce cadre-là... Tu vois, on n'a pas encore toute la lumière sur tout ça, quoi. Moi, je... Voilà. Mais t'as déjà entendu, allez, sois honnête... T'as déjà fait une petite recherche, t'as déjà entendu une infirmière qui tenait un autre discours. Mais elle n'est pas plus compétente que quelqu'un d'autre, hein, c'est pas son métier. Elle n'est pas virologue, elle n'est pas infectiologue, elle est infirmière. Non, mais elle voit concrètement qu'il n'y a pas plus d'arrivées que les années précédentes à la même période, quoi. Tu comprends? Mais ça, c'est pas trop possible quand même. Qu'est-ce qui n'est pas trop possible? Qu'il n'y ait pas autant d'arrivées. Tu vois, d'abord, je... Mais là, franchement, il faut partir de... On est devant des faits. Mais oui, mais là, je veux dire, je vois pas pourquoi ces infirmières ou les peu de femmes ou d'hommes qui témoignent raconteraient. Je vois vraiment pas le. Mais pourquoi tu as quelqu'un qui raconte que sa fille non vaccinée a échappé à la Covid qui a contaminé 39 enfants? Non, mais ça, c'est. Moi, je te parle. C'est une femme. Non, mais là, c'est un écrit sur le réseau. Je veux dire, tout le monde peut écrire n'importe quoi. De toute façon, on lit beaucoup de conneries aussi. Hein. Là, c'est une vidéo. Elle cache son visage. Pas à l'aise de parler, mais quand même envie de témoigner, tu vois, pour relater une réalité, tu vois. Je suppose que cette femme, elle a autre chose à foutre que d'aller parler avec un fichu sur la tête, quoi. La preuve que non. La preuve que non. Et donc, cette femme, elle se dit peut-être maintenant... oui, donc elle a une espèce de responsabilité. Elle se dit, moi, je vais témoigner, mais à visage découvert. À visage couvert. Tu vois, on est vraiment une drôle de période, quoi, tu vois. Par contre, il y a des pompiers qui témoignent à visage découvert et qui disent des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on entend dans les médias habituels, quoi. C'était la fameuse affaire des pompiers de La Réunion, c'est ça? De la Réunion, ouais. De l'île de la Réunion, tu parles ? Ouais. Non, ici en Belgique. Ah, je sais pas. Anderlecht. J'ai pas suivi le coup des pompiers d'Anderlecht. Enfin voilà, moi je crois que si on est honnête, tu vois, et qu'on n'est pas dans des bagarres pour avoir raison et on s'amuse, tu vois, dans là-dedans, eh ben quelqu'un qui est en bonne santé mentale, il se pose des questions, moi je me dis, tu vois, il se pose des questions. Voilà, ou alors il est en mauvaise santé physique et il se pose pas de questions parce que le vaccin va l'aider, on va dire. Mais si tu es en bonne santé mentale et physique, eh bien, franchement, il y a de quoi se poser des questions en ce moment, quoi. Ah oui, se poser des questions, c'est salutaire. Je n'ai pas arrêté de le dire, c'est normal. Mais il faut, malheureusement, on n'a pas le biais sûr et certain de la bonne réponse. Ce n'est pas en écoutant les politiques qu'on va la voir, et ce n'est pas parce qu'une bonne femme met une visière et une blouse blanche qu'elle est infirmière et qu'elle sait de quoi elle parle. Ah oui, tu vas jusque-là, toi. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais moi aussi, je suis très critique, mais il y a des moments où tu te dis, ben non, là, franchement, enfin, tu vois, mais je suis très critique aussi. Ah ouais, toi, tu te... Ouais, ok. En fait, figure-toi que j'ai un médecin traitant comme tout le monde, et... j'avais lu un témoignage que j'avais cru. En disant, mon médecin... Enfin, j'avais pas tout cru. T'as lu ça sur le réseau ? Oui. La personne disait, ah là là, mon médecin ne veut pas que je me fasse vacciner, mais il veut bien me faire un document comme quoi je suis vaccinée. Alors, c'était pas les médecins qui vaccinaient, parce que moi, j'avais demandé au mien s'il pouvait vacciner. Elle m'a dit non, il faut aller dans les centres de vaccination. Donc, t'es pas clair. Et elle dit oui, en plus, il ose pas trop parler parce qu'il risque de se faire virer par l'ordre des médecins ou de ce brol-là et tout. Et donc, moi, je vois mon médecin pour tout à fait autre chose. Je vous dirai pas quoi. Et une connerie. Et je lui dis ça. Et là, il se marre. Il me dit tu sais, Céline, un médecin anti-médecine, ça n'existe pas. Que répondre ? Évidemment qu'un médecin anti-médecine n'existe pas. Mais ça veut dire quoi, ça ? Un médecin anti-médecine n'existe pas ? Ben, ça veut dire qu'un médecin qui soigne des personnes et qui dit aux personnes « Attention, ne vous faites pas vacciner, je vais vous faire un faux papier !» Non, mais là, on rentre dans le faux papier. Mais par exemple, moi, j'ai pu voir, parce que je m'intéresse vraiment à la chose. En France, il y a une dame, je ne sais plus son nom, qui a mis en place le doctoton pendant 24 heures, des médecins du monde entier témoigne. Il y avait un peu moins de 300. C'était prévu 300, mais bon, il y a eu des soucis techniques, machin, donc il y avait moins de gens. C'est impressionnant. 3 minutes pendant 24 heures, tous des médecins qui témoignent. Et qu'est-ce qu'ils disaient ? Bah, qu'il y a un souci. Évidemment qu'il y a un souci. Évidemment. Sinon, on ne porterait pas des masques. Non, pas un souci, mais un souci avec le... Avec la santé, le souci avec un vaccin, le souci avec ce monde dans lequel on nous prépare avec les Covid safety kits, avec la 18e dose, voilà, on se fait injecter, il n'y a pas de problème. Enfin, tu vois, attends, mais c'est quoi ce monde, quoi ? Ah ben c'est clair que c'est un tournant sociétal. Hein, on est 300 toubibs. On est d'accord. Ils disent tous la même chose. Alors c'est pas normal. De quoi qui n'est pas normal ? S'il y en a 300 qui disent tous la même chose, qui sont tous soubibles, on aurait arrêté les vaccins depuis longtemps. 12 millions de vues. Ah ben ça ne veut rien dire non plus. Non mais ça veut dire qu'il y a une soif de la part des gens d'aller voir un contre... C'est ce que je me tue à dire. Il y a la soif des gens d'aller voir un autre discours que celui des médias dominants. Mais ce n'est pas pour ça que l'autre est le bon. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et là justement, c'est pas encore gagné, quoi. Là, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Ce qu'on peut juste... Oh, il reste 5 minutes. Ce qu'on peut juste souhaiter, c'est que... on dit qu'il y a des effets secondaires par rapport à ce vaccin. On dit qu'il y a des morts. Maintenant, il faut... OK, il suffit pas de le dire. OK, action, comment on fait pour prouver ça, tu vois ? Voilà. Et là, voilà, là, je ne comprends pas comment des médecins... C'est leur job. Tu vois, quand tu fais une prise de sang, c'est clair et net, c'est scientifique, on voit bien que ça va bien. Mm-hmm. Si tu fais ton vaccin et 3 jours après, on voit que ça va pas bien, on voit ta prise de sang, elle est pas bonne. Enfin, tu vois, là, je comprends pas très bien comment il n'y a pas moyen de prouver ça assez rapidement, qu'il y ait des morts dues au vaccin ou qu'il y ait des effets secondaires dus au vaccin, tu vois. Tu comprends ce que je dis ? Oui, bien sûr que je comprends. Et du coup, est-ce que la réponse n'est pas dans la question ? C'est-à-dire ? Comment est-ce que ça se fait qu'on ne peut pas prouver toutes ces choses ? Mais c'est parce que moi, je ne suis pas du tout scientifique ni médecin. Non, moi non plus, mais tu as dit « on », tu n'as pas dit « je », tu n'as pas dit « toi », tu as dit « comment ça oui, se fait ?» Oui, quand je dis « on », c'est parce que les docteurs, qui sont, c'est leur métier, voilà. ils sont justement dans la science, dans tout ce bazar. Je ne comprends pas pourquoi, puisqu'ils disent qu'il y a autant de morts, puisqu'ils disent qu'il y a autant d'effets de secondaire, ben allez-y, montrez-le nous, quoi, que ce soit écrit noir sur blanc, qu'on comprenne. Voilà. Et là, moi, j'ai un point d'interrogation, parce qu'ils ont l'air de dire que ce n'est pas si évident que ça. Voilà. De prouver, ouais, de prouver que des gens sont morts du vaccin ou qu'ils aient des effets secondaires. Enfin, c'est plus grave quand même qu'il y ait des morts. Hein, c'est quand même énorme. Je présume aussi que c'est plus grave, oui, qu'il y ait des morts. Ouais, ouais. Pourquoi on ne s'est pas montré de preuves, quoi. C'est ça, alors qu'on a pu prouver des morts du Covid. Donc c'est facile de prouver des morts. Dû au vaccin. Ah ben non, pas dû au vaccin. Puisqu'on a pu prouver qu'il y avait des morts dues au Covid. Comorbidité, pas comorbidité, le problème n'est pas là, jeune vieux, on s'en fout. Mais on n'a pas cette preuve que le vaccin peut tuer. Ce qui n'est pas normal pour un vaccin, puisque c'est le but contraire. Et puis si le vaccin tuait, il ne tuerait pas une personne par-ci, par-là. Il tuerait tout le monde. Mais non. Bah si. Puisque non, parce qu'on réagit tous, Oui, mais enfin, tu prends une dose de cyanure, tu claques, hein. Enfin bon voilà, je trouve que c'est une question, moi qui me reste, et voilà. Et tu la trouves intéressante ? Oui, je la trouve intéressante parce que ça va faire 2 ans maintenant qu'on entend ces discours et qu'il n'y a pas de preuve à ces discours. Tu vois, on a d'abord dit qu'il n'y avait pas de mort de Covid, c'était pas vrai, puis bon, on a eu les chiffres et bon, on a vu les images de ce qui se passait en Italie et des choses comme ça, et voilà. Ça, il paraît que c'est une musique, enfin, ouais. Oui, à un moment donné, on est Elvis Presley habite sur la lune. Hein. Si tout est mis en scène, si tout est mensonge, on n'est plus dans une société, on est dans un film de science-fiction. Ok, mais pourquoi je t'ai entendu dans le micro là que t'as dit que tu étais critique par rapport aux blouses blanches avec. Ouais. Bah, on est aussi critique dans les médias dominants du coup. Alors oui, aussi, t'es aussi critique quoi. Pour te faire acheter un vaccin qui n'existait pas encore. On filme des camions chargés de cercueils qui sortent des villes d'Italie toutes les nuits. J'ai pas vu ces images, hein. Donc je vois pas de quoi vraiment. Bon, on est obligé de couper. C'est bien dommage. On s'est pas flanqué les bûches sur la figure. Mais non, parce que c'est intéressant de se poser des questions et de. Après, évidemment, ça crée des scissions. Il y a des familles qui se bagarrent, il y a des frères et sœurs qui se voient plus. C'est grave. Je sais qu'on n'a plus le temps, mais ça, c'est le simple problème. C'est le simple fait que les gens se permettent aujourd'hui de se mêler de la santé d'autrui. Si ton frère ou ta sœur veut se faire vacciner, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Ce n'est pas ton problème. Donc, il faut arrêter de militer et de trinque-baller avec des pancartes et d'envoyer des trucs sur Facebook et sur le net en disant n'importe quoi, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Et laisser les gens vivre et laisser les vivre. Vivez, laissez vivre, point barre. Ce que les autres font avec leur corps n'est pas votre problème, qu'ils se vaccinent ou pas, n'est pas votre problème. Ni le mien, ni le tien, ni celui de personne. Sauf que le gouvernement, il met tout en place des choses pour que ce soit pas comme ça. Voilà, et comme je te disais, il y a personne de compétent en la matière, et donc il faudrait aussi, sincèrement, moi j'ai rien contre le fait de présenter un Covid safe ou je sais pas quel brôle, mais je ne vois pas la pertinence, je ne vois pas l'intelligence là-dedans. L'intelligence de la démarche, la pertinence, je vois pas. Je vois pas. Alors si eux trouvent que c'est génial, nécessaire, absolu, magnifique, merveilleux, peut-être, mais je ne vois pas en vertu de quelle connaissance ni compétence ils trouvent ça. Mmh. Voilà. Donc moi j'en ai un parce que vacciné, j'ai qu'à le télécharger. Donc voilà. Mais toi t'es en ordre, hein. T'as tous tes vaccins, ouais, t'as ton Covid, t'as ton Covid étiquette. C'est ça, la première fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit quel a été le déclic. Et moi, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, c'était quoi le déclic ? Mais en fait, j'ai pas eu de déclic. Moi, c'était une normalité. Tu vois ? Se faire vacciner, tu parles ? C'est ça. Il y a de la bouffe, j'ai faim, il y a de la bouffe, je mange, j'ai plus faim. Tu vois, il y a une maladie infectieuse, il y a un vaccin, je vais pas l'attraper. C'est peut-être puéril comme démarche, mais donc c'est venu comme ça. Hein. Voilà. Ouais. Il y a une maladie infectieuse, merde, il y a un vaccin, ah, ouf. Quand est-ce que je peux l'avoir ? Ouais. Merci à toi. Mais on est obligé de couper. De t'être dépassée, merci. De m'avoir laissé le micro tenter plus. Et voilà, je suis très contente.